Tu travailles dans un hôpital, tu ne veux pas d'une vie banale. Ton milieu familial t'a transmis ce merveilleux idéal. Mais avant, ce matin, de sauver des centaines d'humains, lave-toi les mains. C'est le king du bloc opératoire, ton cheminement est une longue histoire. Tu n'avais pas de riche aïeul, toi tu te fais tout seul. Mais avant de jouer à Mère Thérésin, pense un peu à ton prochain. Lave-toi les mains. Lave-toi les mains. Dans ta clinique privée, tu vis la vie rêveuse. Tu veux guérir l'humanité, du moins sa partie argentée. N'attends pas à demain avant d'ausculter le gratin. Lave-toi les mains. Lave-toi les mains.